Comme le champ semé. Comme le champ semé en verdure foisonne, de verdure se hausse en tuyau verdissant, du tuyau se hérisse en épis florissant, d'épis jaunis en grains que le chaud assaisonne, et comme à la saison le rustique moissonne les ondoyants cheveux du sillon blondissant, les mets d'ordre en javel et du blé jaunissant sur le champ dépouillé mille gerbes façonnent, ainsi, de peu à peu, crut l'empire romain, tant qu'il fut dépouillé par la barbare main, qui ne laissa de lui que ses marques antiques, que chacun va pillant, comme on voit le glaneur, cheminant pas à pas, recueillir les reliques de ce qui va tombant après le moissonneur.